Par amour, par amour, j'ai dû affronter le regard de ton père. Par amour, j'ai même fait semblant de regarder la mer. Tu dois sûrement te dire que c'était des paroles en l'air. Oui, par amour, j'ai appris à ne plus voir tes défauts. Je suis pas d'accord, mais je te laisse avoir le dernier mot. Mais par amour, je t'ai donné ce que j'avais de plus beau. Et je refuse de vivre à travers le regard des autres. Des autres. Ou par amour, j'étais prêt à donner même ce que je n'avais pas. J'ai su que c'était toi depuis le départ. Quand tu es loin de moi, je me retrouve. Par amour, j'suis prêt à prendre les armes. Par amour, moi j'y suis resté là. Par amour, rien n'éteindra la flamme. Par amour, la flamme. Par amour, par amour, j'ai dû affronter le regard de ton père. Tu penses sûrement que c'était pas. Sorti de ma tête ce que tu étais hier. Je vois loin devant nous, je ne regarderai pas derrière. C'est toi et moi en tête d'affiche sur toutes les bannières. Et j'en suis fier. Ou par amour, pour faire de la place mon cœur, j'ai dû l'agrandir. J'ai même adapté mon style de vie. Tout recentré sur toi, c'est devenu logique. Oui, ou par amour, je te ferai briller avec ou sans le million. À côté de toi, y'a plus de cendrillon. Centre d'attention, par amour. J'suis prêt à prendre les armes. Par amour, moi j'y suis resté là. Par amour, rien n'éteindra la flamme. Par amour, la flamme. Par amour, par amour, j'ai dû affronter le regard de ton père. Tu penses sûrement que c'est des paroles en l'air. Par amour, j'ai même fait semblant de regarder la mer. Je n'arrive même plus à voir tes défauts. J't'ai même laissé avoir le dernier mot. Par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par am